Il est venu lui aussi avec. Il est venu lui aussi avec ça. Hein? Il est venu lui aussi avec. Avec le tawhid. Et avec le premier des 10 commandements qui est de ne rien adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Non. Et le cheikh il explique ensuite, il dit donc, eux, hein, ces mouchriquins, ils invoquent et ils prient Jésus, Uzair, certains d'entre eux ils vont prier les anges. Alors que les anges font partie des gens du tawhid aussi, dans le sens que les anges, ils adorent personne d'autre que Allah, et ils n'ont jamais permis ou accepté que on adore quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, le verset qu'on a lu, qui est le verset 57, ou 56 et 57, dans Sourate Al-Isra, eh bien, il confirme, hein, que on n'a pas le droit d'adorer ces êtres-là, puisque eux-mêmes, ils adorent Allah. Eux-mêmes, ils se soumettent uniquement à Allah. Et quand ils demandent que à Allah. Ils font partie des gens du tawhid. Donc, si ces gens-là qui prétendent être chrétiens, par exemple, et qui prétendent croire en Jésus, s'ils étaient vraiment, hein, sincères, eh bien, ils cesseraient d'adorer Jésus. Et ils adoraient Allah seul. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le cheikh dit que la vérité, c'est que les gens du shirk, ils n'ont aucune relation et aucun lien avec Jésus. De même qu'ils n'ont aucun lien avec les anges. De même qu'ils n'ont aucun lien non plus avec, hein, les hommes pieux et les saints. Et il y a des chrétiens, il y en a en particulier des catholiques, qui prient aux anges. J'en ai vu une fois un chrétien qui avait un livre dans sa main, un livre qui parlait de la prière aux anges, yani, subhanallah. Donc ça, c'est clairement du shirk majeur, hein? Puisque c'est qui est-ce qui contrôle les anges? C'est Allah. Donc si tu as besoin de l'aide des anges, c'est pas aux anges qu'il faut demander l'aide. C'est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux dire à Allah, oh Allah, protège-moi. Hein? Et envoie-moi les anges pour qu'ils me protègent. Hein? Ou des choses comme ça. Mais de dire aux anges directement, oh les anges, protégez-moi, ça c'est pas permis. Hein? Ça c'est du shirk. Donc ça c'est important de faire la distinction. Et de voir que ces mouchrikines là, ils prient à des êtres qui eux-mêmes ne priaient que à Allah et qui ont interdit aux gens de les adorer ou d'adorer quoi que ce soit d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est contradictoire dans leur comportement. Ils ont contredit ceux qu'ils ont invoqués dans leur religion. Et c'est ça que le cheikh expliquait. Après, il dit وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولا إلى غيره وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق من أجله. Donc ici le cheikh il explique un point important. Il dit que dans le verset en question ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a inversé la phrase. Dans le sens que il a inversé la phrase dans le sens que il a mis yani, il a dit qaddama al-ma'mul. Qaddama al-ma'mul. C'est-à-dire il a mis l'objet avant le sujet. Hein? Si on regarde bien, il dit yabtaghuna ila rabbihim alwasilata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils cherchent vers leur Seigneur un moyen. Au lieu de dire ils cherchent un moyen vers leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala a inversé la phrase. Il a dit, ils cherchent vers leur Seigneur un moyen. Et pourquoi il a inversé la phrase de cette façon? Ça, c'est une forme en arabe qu'on appelle al-hasr. C'est une forme en arabe, un style en arabe qu'on appelle al-hasr. Et qu'est-ce que ça... à quoi ça sert ou c'est quoi le rôle de al-hasr dans la langue arabe? Eh bien, c'est son rôle, c'est de limiter ou de restreindre quelque chose. Donc, quand tu dis, par exemple, ils cherchent vers leur Seigneur un moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils cherchent vers leur Seigneur un moyen et vers personne d'autre que leur Seigneur. C'est comme si pour restreindre et pour limiter la quête du moyen uniquement de leur Seigneur. Tandis que s'ils disaient par exemple, ils cherchent un moyen vers leur Seigneur, ça pourrait vouloir dire, ils cherchent un moyen vers leur Seigneur et vers quelqu'un d'autre aussi. Mais en disant, ils cherchent vers leur Seigneur un moyen, et ça implique qu'ils ne cherchent le moyen que de personne d'autre que de leur Seigneur. C'est ça le al-hasr. C'est comme dans Surat al-Fatiha qu'on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Toi seul nous adorons et à toi seul nous demandons l'aide. Il aurait pu dire « Nous te demandons l'aide et nous t'adorons et nous te demandons l'aide. » Mais en disant à toi, Iyaka, c'est à toi que nous demandons, c'est toi que nous adorons. Ça implique que c'est à personne d'autre que toi. C'est seulement à toi. Et donc ici, ça implique le tawhid de ces hommes pieux et de ces prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en disant qu'ils invoquent et ils recherchent un moyen pour arriver à leur Seigneur et ils recherchent ce moyen de personne d'autre. Ils recherchent de personne d'autre ce moyen-là pour se rapprocher d'Allah, ou bien plutôt ils ne se rapprochent à personne d'autre que à Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Et donc ça c'est pour faire comprendre un des sens même du tawhid dans ce verset. Et aussi le cheikh il explique que parmi les moyens les plus grands et les plus importants pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a le tawhid. C'est justement le tawhid en lui-même est le plus grand de tous les moyens, puisque c'est la clé du paradis. Et le cheikh, il dit ici, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous ses prophètes et ses messagers avec ce message du tawhid, et également, il a créé toute la création pour le tawhid, pour que les hommes l'adorent lui seul. Et le cheikh, il explique la signification. Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point. Il dit, « Al-wasilatu hiya al-a'mal al-salihah. La, kama yaquluhu al-juhal, anna al-wasilata an taj'ala baynaka wa bayna Allahi wasitatan fi qada'i hawa'ijik. » Hada لم يشرعه الله سبحانه وتعالى الله لم يأمرنا باتخاذ الوسائل بل أمرنا بدعائه مباشرة فادعوا الله مخلصين له الدين أمرنا بدعائه مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولم يقل ادعوني بواسطة فلان أو توسلوا إلي بفلان هذا من القول على الله بلا علم. Donc ici le cheikh il explique que le moyen pour se rapprocher d'Allah c'est quoi? Il dit ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Non pas comme le disent certains ignorants que le moyen pour se rapprocher d'Allah c'est d'établir ou de placer entre toi et entre Allah un homme pieux ou un saint qui va régler tes besoins. hein, et qui va prier, te rapprocher ou prier à Allah pour toi ou rapprocher tes, te rapprocher d'Allah. Hein. Allah n'a jamais légiféré cela et il n'a jamais ordonné, il ne nous a jamais ordonné de prendre ce genre de moyens, hein, de prendre des intermédiaires ou des intercesseurs entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. Plutôt, il nous a ordonné de l'invoquer et de l'adorer directement, sans intermédiaire, sans intercesseur. Et il dit dans le verset 14, dans Sourate Ghafir, Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din. C'est-à-dire, et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant une adoration pure, en purifiant pour lui votre religion, de façon à ce que vous n'adoriez personne d'autre que lui. Donc il nous a ordonné de l'invoquer directement. Et il dit également dans le verset 60 dans Sourate Ghafir, Et votre Seigneur a dit, Invoquez-moi, je vous exaucerai, hein? Je répondrai à votre invocation. Il n'a pas dit, Invoquez-moi par l'intermédiaire d'un tel ou d'un tel. Non, il a dit, Et invoquez-moi, c'est-à-dire invoquez-moi directement, hein? Et je vais vous exaucer. Et ça, c'est celui qui dit, par exemple, qu'il faut prendre un intermédiaire pour adorer Allah, pour se rapprocher d'Allah. Alors celui-là, il a parlé à propos d'Allah sans science. Il a parlé à propos d'Allah sans science. Ensuite, le cheikh, il explique yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute la création. Donc, pour cette adoration et pour ce tawhid, il dit ولهذا لما دعا ذو النون عليه السلام وهو في الغم والكرب توسل إلى الله بالتوحيد قال تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت يعني توسل إلى الله بتوحيده. Donc ici le cheikh il explique que hein, un exemple, donc, un des plus grands moyens par lesquels on peut se rapprocher d'Allah, c'est le tawhid, avec lequel Allah a envoyé tous ses prophètes et ses messagers, et pour lequel il a créé toute la création. Et il explique que Dhun Nun, c'est Jonas, hein, le prophète Jonas, Yunus en arabe, lorsqu'il était dans le malheur et dans la détresse, hein, avalé par, par cette baleine, il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a invoqué par son tawhid, par son unicité. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 87, dans Surat Al-Anbiya, il dit, et il a invoqué dans les ténèbres, hein, dans la noirceur, en disant, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Donc, il a utilisé le tawhid comme un moyen pour demander à Allah et pour que son doua soit exaucé. Donc, ça, c'est la preuve que le tawhid, c'est un des plus grands parmi les, hein, ce qu'on appelle al-wasila, hein, les moyens, al-wasail ou wasila. Donc, il a utilisé comme moyen le tawhid, et la ilaha illallah, dans son doua. Tawassala, hein, il a fait le tawassul en utilisant le tawhid. Contrairement, comme le cheikh l'a dit tout à l'heure, contrairement aux soufis qui pensent que le tawassul, c'est de passer par un intermédiaire pour aller à Allah, ou de demander à Allah par l'intermédiaire d'un homme, hein, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de fausseté et d'égarement. Ensuite, le cheikh explique la réalité du tawassul. Il dit, ouais, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله La ilaha illa ant. Al-ahad al-samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ghayri dhalika min al-a'mal al-salihati al-khalisah. Allati lam yani lam yashubha لم يشبه شرك يعني فالتوسل إلى الله هو مما يحبه ويرضاه أي نعم بما يحبه الله ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما أنا من المشركين وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc ici le cheikh il explique que quiconque fait le tawassul, il a le droit de faire le tawassul par le tawhid et il a le droit également de faire le tawassul, hein, de prendre un moyen pour se rapprocher d'Allah. Parmi les moyens qu'il a le droit de prendre, c'est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il invoque Allah, il l'invoque en mentionnant ses noms et ses attributs. Ça fait partie des moyens licites. Et il donne comme exemple le verset 180 dans Surat Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et c'est à Allah qu'appartient, il dit ce qui signifie, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceci. Et comme il a été mentionné également dans plusieurs rappels qui ont été rapportés dans la Sunna, hein, des formes de tawassul, des invocations et des moyens pour se rapprocher d'Allah. Et parmi les exemples d'invocations, il mentionne dans ces invocations-là, yani, le fait de demander à Allah en mentionnant ses noms et ses attributs. Et comme par exemple ici, il dit: oh Allah, je te demande, hein, du fait que qu'à toi appartient la louange, rien ne mérite d'être adoré excepté toi, l'octroyeur de grâce et de dons, hein, et de grandes faveurs, celui qui octroie les faveurs et qui donne les dons, celui qui a innové la création des cieux et de la terre. Ô toi, celui qui détient la majesté et la noblesse. Donc tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en le glorifiant et en mentionnant ses noms et en mentionnant ses attributs. Ça c'est une forme de tawassul qui est licite. Ensuite il mentionne un autre exemple dans l'invocation lorsqu'il dit: ô Allah, je te demande parce que tu es Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté toi, l'unique, celui à qui toutes les créatures se tournent, celui qui n'a pas été engendré et qui n'a pas été engendré, et celui que personne, hein, ne peut lui être comparable ou égal. Donc ça, c'est un autre exemple de tawassul par les noms et par les attributs d'Allah. Hein? Et il dit, il y en a beaucoup d'autres également parmi les formes de tawassul qui sont licites, comme par exemple le fait de demander à Allah en lui demandant par des bonnes œuvres qu'on a fait soi-même et dans lesquelles il n'y avait aucune trace de shirk. Hein? Donc, par exemple, le fait de faire le tawassul en mentionnant un acte qu'on a fait qui était uniquement pour Allah et de mentionner à Allah subhanahu wa ta'ala des œuvres. Hein, ou de faire des bonnes œuvres que Allah aime et des choses qu'il a agréées. Ça, c'est des formes de tawassul qui sont licites. Et il dit, et non pas de prendre comme, ou d'essayer de prendre comme moyen pour se rapprocher d'Allah des choses que Allah déteste et des choses que Allah refuse parmi les différentes formes de shirk, duquel Allah s'est purifié lui-même, puisqu'il dit dans le verset 43 dans Surat At-Tur, Subhanallah amma yushrikun. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de tout ce qu'il lui associe, hein, de tout ce qu'il lui donne comme associé ou partenaire dans leurs adorations. Et le verset également 108 dans Surat Yusuf alayhi salam, lorsqu'il dit dans ce verset ce qui signifie pureté à Allah et pureté à Allah, et que Allah soit purifié, je ne suis point du nombre des mushrikin, je ne suis point du nombre de ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qui invoquent d'autres que Allah ou d'autres avec Allah. Donc ça, c'est des exemples ici, encore une fois, des formes de tawassul qui sont licites et qui sont ordonnées et légiférées. Et il dit également, non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans ses versets, il condamne le shirk et il se purifie lui-même. Donc les formes de shirk, comment quelqu'un pourrait-il chercher à se rapprocher d'Allah par du shirk alors que Allah a interdit le shirk et qu'il le déteste et que c'est le plus grand de tous les péchés et la plus grande de toutes les désobéissances et le plus grave de tous les crimes. Donc c'est vraiment absurde de la part de ces gens-là de penser qu'il pourrait être permis dans l'islam de faire du shirk et de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah. Pourtant, c'est ce que font beaucoup de gens parmi les Shia, parmi les Rafida, parmi les Batiniya, parmi les Sophia. Tous ces groupes-là qui existent maintenant, qui prient à des morts, qui prient à des saints, qui prient à des tombes, qui prient à des hommes pieux ou des gens qu'ils considèrent être pieux alors qu'ils n'étaient que des pervers. Ça, c'est souvent le cas de ces égarés qu'ils adorent et qu'ils prennent pour des saints alors que c'était souvent des diables. C'était même pas des saints des fois. Et donc tout ça, c'est des exemples pour montrer que tu peux pas faire le tawassul par le shirk. Et l'autre verset que le cheikh il a mentionné, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala condamne ceux qui prennent des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et il dit dans le verset 18 dans sourate Yunus, dit: allez-vous apprendre à Allah ce dont il n'a aucune connaissance, ni dans les cieux ni sur la terre? Pureté à lui, et qu'il soit exalté de ce qu'il lui associe, de ce qu'il lui donne comme partenaire et associé dans l'adoration. Donc ça, c'est important. Parce que le verset qui est mentionné, ce verset-là, c'est la fin du verset qui est mentionné ici. Le début de ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il a appelé ce qu'ils font shirk à la fin. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent: ceux-là sont nos intermédiaires entre nous et Allah. C'est-à-dire, on ne les adore pas eux. Pour eux, c'est juste des intermédiaires. Ils vont nous rapprocher. Ils vont demander à Allah pour nous. On les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et il dit: ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Il dit: allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucune connaissance? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous prétendez là, il le connaît pas. Il ne connaît pas ces intermédiaires et ces intercesseurs dont vous parlez. Donc s'il ne les connaît pas, ça veut dire qu'ils n'existent pas. C'est un mensonge. C'est clair que c'est un mensonge. Parce que Allah n'a pas d'intermédiaire ou d'intercesseur. Et arrêtez de faire des comparaisons entre Allah et les créatures. Ils accusent les gens du tawhid de faire de l'anthropomorphisme ou de faire ressembler Allah à sa création parce qu'on affirme les attributs d'Allah et ses noms et ses attributs. Pourtant, eux, ici, dans cet exemple, ils font ressembler Allah à sa créature parce qu'ils comparent Allah à une créature, à un roi ignorant et faible qui a besoin de ses ministres, de ses conseillers pour intercéder pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intercesseurs parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que quiconque. Les rois, eux, par contre, ils ne nous connaissent pas. Les présidents, ils ont besoin de leurs ministres, ils ont besoin de leurs secrétaires, ils ont besoin de leurs pour qu'on puisse intercéder auprès d'eux, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a de besoin. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il nous connaît mieux que quiconque. Il n'a besoin de personne. Et on peut s'adresser à lui directement pour lui demander tout ce qu'on a de besoin. Hein? Et il le sait même avant qu'on lui demande. Mais il aime qu'on lui demande pour nous exaucer. Hein? Donc tout ça, c'est... Tout ça, ça fait partie de la compréhension du tawhid. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et au prochain cours, bi'idhnillah, on continuera la suite. On continuera la suite de l'explication. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.